Mais c'est le soir surtout. Ce stress est tel que voir mon enfant sourire ne change rien du tout. Il ne me reste que les bras de mon mari pour éponger mes larmes. Je ne tiens plus le coup. Une cigarette, une pour calmer mon angoisse. Oublier le travail, rendre le climat plus doux. Une cigarette, une pour oublier ce type qui me parle de moi comme on parle d'un bijou. C'est stupide, je sais, ne te moque pas. J'ai vu tes yeux, ça s'oublie pas. Les ignorer, ne plus te mettre mal à l'aise, ne servirait à rien. Ma mémoire en a fait son bien. Pourtant je sais qu'il faudra bien les oublier. Les nuits s'endorment en ça, j'ai déjà donné. Et si un jour on se croise par hasard, tu me pardonneras, je t'aurais désiré. Talking about